Chapitre 6e. Encore une gaffe de la police. Dis donc, petite Suzon, disait Fouinard à son ami, deux jours après, alors qu'il dégustait un bœuf maude dans un bouillon, tu as lu les journaux de ce matin? On sait qu'il s'était lié avec Suzanne Berrette, en tout bien tout honneur, bien entendu. Justine n'avait pas à être jalouse. Depuis la terrible affaire dans laquelle Irma Berrette, sa sœur, avait trouvé la mort à la porte Saint-Martin. Depuis que Fouinard avait sauvé ce pauvre Michel Gervais, injustement accusé, Suzon lui avait voué une reconnaissance profonde. « Ah, si jamais vous avez besoin de moi, lui disait-elle, je me ferai hacher en 1000 morceaux pour vous. » À quoi il avait répliqué, galamment, riant, « Ça serait dommage, une jolie petite femme comme vous, ça ne se détaille pas. » À la question que Fouinard lui adressait, elle répondit « Comme tous les matins, je commence par là. Il y a un feuilleton dans le Petit Parisien. » Si vous saviez, la duchesse sait que c'est le comte qui lui a enlevé son enfant, mais elle sait aussi qu'il a pris un faux nom, parce qu'il a assassiné le peintre et que le Mexicain le poursuit de sa vengeance. C'est d'un intéressant. Je ne dis pas le contraire. C'est palpitant. C'est tout ce que vous avez lu? Dame, à peu près. Vous savez, moi, la politique, pff. Et les faits divers, les accidents, les crimes, ça me donne des cauchemars. D'accord. Il y a pourtant des choses bien curieuses. Tenez, ceci, par exemple. Il tira le journal de sa poche, l'ouvrit et du doigt désigna un article de la seconde page. Lisez le titre, en lettres grasses. Encore une gaffe de la police. Tiens, est-ce que ce serait encore M. Charlet qui s'est mis le doigt dans l'œil? Ça en a tout l'air, écoutez. Il lut à mi-voix. Décidément, notre chef de la sûreté joue de malheur. Et on en est à regretter les Gorons, les Jaumes, les Rossignols, qui au moins faisaient quelques besognes utiles. On n'a certes pas oublié le crime de la rue du Mont-Tabor, cet usurier qui a été égorgé en plein jour dans une maison très peuplée à quelques pas de la cour et de la loge de la concierge, et nous avons raconté comment la sûreté, supposant, avec raison évidemment, que l'assassinat avait été commis par un des clients de l'impitoyable Gobseck, s'était lancé sur la piste d'un certain Salmon, ancien ouvrier mécanicien qui avait disparu de son domicile le soir même du crime. Cet individu avait été retrouvé il y a 3 jours dans un hôpital. Il faut dire que cet homme est estropié, qu'il touche de ses anciens patrons une pension dont il avait engagé le titre chez M. Templier, l'usurier en question. Celui-ci l'avait, paraît-il, exploité de la plus dure façon, ce qui avait motivé de la part de son débiteur une lettre courroucée et même menaçante. De plus, M. Charlet avait amené la femme et la fille de ce malheureux avouer qu'il était sorti de chez lui 1 heure avant le crime et en manifestant l'intention de se rendre chez son créancier. Là-dessus, notre chef de la sûreté, avec sa perspicacité merveilleuse, avait bâti immédiatement toute une instruction. Cet homme était certainement l'assassin. La femme Salmon, qui est à demi paralysée, sa fille, une pauvre créature qui n'a que le souffle, se virent l'objet de la plus énervante surveillance. On procéda dans leur logement, une misérable mansarde, à 1, 2, 3 perquisitions. Que cherchait-on? On en est à se le demander. Bref, la mère est mourante de honte et de désespoir. La fille a dû s'aliter par suite des émotions ressenties. Tout à coup, par le plus grand des hasards, car il n'y a de bon policier que le hasard, M. Charlet apprit que ce Salmon se trouvait à Beaujon. Y courir, faire subir à l'homme un interrogatoire des plus serrés, ce fut l'affaire d'une heure. Ce Salmon, qui a la meilleure réputation, travailleur émérite, qu'un accident d'usine a réduit à l'impuissance, reconnu par ses voisins, par ses patrons, par ceux qui ont de près ou de loin été en relation avec lui, pour le plus honnête des hommes, misère n'est pas bis, et qui gisait dans un lit d'hôpital, apparut immédiatement à la police comme le plus vil des criminels. Déjà estropié d'une jambe et d'une main, marchant avec difficulté, incapable de se livrer à aucun travail, ce malheureux avait été, c'était son crime, ramassé sur la voie publique au coin de la rue Saint-Honoré, évanoui et couvert de sang. Incapable d'indiquer son nom et son adresse, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital Bonjou. Revenu à lui, il avait raconté que, revenant de faire une course rue du Mont-Tabor, il n'y mettait aucune dissimulation comme on le voit, il avait été renversé par un autotaxi. Qu'impotent, ayant grand-peine à marcher, il porte un appareil qui suppléait à son pied, qu'une machine lui a demi-amputé, il était tombé comme une masse et ne savait rien de plus. Sa tête avait porté sur le bord du trottoir et l'avait saigné abondamment. Tout cela était clair, précis. M. Charlet, On n'est pas pour rien le grand chasseur de criminels, tint toutes ses explications pour mensongères. L'homme avouait s'être présenté chez M. Templier, mais celui-ci l'avait brutalement éconduit et il avait repris tristement le chemin de son domicile, inattentif sans doute à ce qui se passait autour de lui. M. Charlet n'était pas homme à se contenter d'explications aussi simples que logiques. Pour lui, il tenait l'assassin. Le sang dont il était couvert était celui de sa victime, et comme 2 jours de soins avaient suffi pour la presque guérison de la blessure que Salmon portait à la tête, et que le policier ne cherchait même pas à expliquer, tant, comme on dit, son siège était fait, un mandat d'amener s'abattit sur le pauvre homme que le panier à salade d'acquérir à l'hôpital pour le conduire au dépôt. La mesure était si brutale, paraissait si peu justifiée, que le chef de la sûreté eut une altercation avec un interne qu'il menaça d'arrestation. Bref, Salmon fut conduit à la préfecture, mais dans le trajet, sa blessure s'était rouverte et il fallut l'admettre d'urgence à l'infirmerie du dépôt. Et c'est là que se sont produits hier soir 2 coups de théâtre qui ne doivent pas mettre à l'aise l'ineffable policier du quai des Orfèvres. Le médecin du dépôt, l'honorable docteur Mial, était en train de procéder à l'examen du malade, quand fit irruption dans la salle un personnage, veste serrée la taille, casquette plate, culotte, en un mot, un Watman, qui s'adressant à un interne, expliqua qu'il avait lu dans les journaux qu'on avait arrêté un pauvre bougre qu'il avait lui-même fichu cul par-dessus tête, c'était son expression, au coin de la rue Castiglione et de la rue Saint-Honoré. Il croyait ne lui avoir rien fait, l'ayant à peine touché, et il avait fichu le camp. Mais comme il était honnête homme, il voulait savoir si vraiment le bonhomme avait été sérieusement blessé. On le conduisit au lit de Salmon, qui naturellement ne le reconnut pas, mais quand on lui montra le vêtement que portait la victime, « C'est tout à fait ça, » fit-il. « Moi, je ne sais qu'une chose, quand je fais une bêtise, je la paye. » Je me rappelais bien que le bonhomme n'était pas solide sur ses jambes. Je cornais à fond, et je croyais qu'il allait monter sur le trottoir. « Je t'en fiche, il s'est foutu sous ma bagnole. Qu'il dise ce qu'il veut, je suis pas riche. Je voudrais pas qu'il m'estampe pas trop, mais on a tout de même quelques pièces de 100 sous. Et puis, s'il veut la soupe et le bœuf... » Un brave homme, en vérité, cet écraseur. Or, l'excellent, le délicieux, le rare M. Charlet était présent à cette scène, et il dit à haute et intelligible voix. « L'accident est très possible, mais il est postérieur au crime, » articula-t-il. « Donc les 2 choses ne sont pas contradictoires. » « Un instant !» fit alors M. Mial, qui avait assisté, impassible à cette scène. « J'ai lu dans les procès-verbaux que l'individu assassiné avait été frappé d'un coup unique, porté avec un couteau de gauche à droite. »« Naturellement !» répliqua alors l'exquis M. Charlet. « L'homme était assis comme ceci, devant son bureau. Il s'est assis lui-même sur une chaise et mimait la scène. L'homme est venu du côté droit où se trouvait la porte et, tandis que, très probablement, M. Templier, qui était en train d'écrire, tournait la tête pour regarder qui entrait, l'autre s'est jeté sur lui et, de sa main droite, l'a frappé à la gorge d'un vif mouvement en ramenant la lame vers lui. Mais voici le beau du beau, le fin du fin. C'est singulier, répliqua M. Mial de sa voix traînante. Que connaissent si bien tous ses élèves? « Mais comment cet homme l'aurait-il frappé de sa main droite puisqu'il n'en a pas ?»« Tableau !» comme on dit au théâtre. L'observation était parfaitement exacte. L'engrenage dans lequel a été pris naguère le malheureux Salmon lui a amputé la main droite jusqu'au poignet et la moitié du pied. Il était donc naturellement impossible qu'il eût coupé la gorge de l'usurier avec une main qui n'existait pas. Le suave fonctionnaire, que l'Europe nous envie, était médusé. Il essaya d'ergoter, de se débattre, l'évidence l'écrasait. Il prit le parti de s'en aller et fit claquer les portes. Les dernières vérifications ont prouvé l'impossibilité matérielle de la culpabilité de ce malheureux Salmon, qui a été remis immédiatement en liberté. Le savoureux M. Charlet se tient quoi? C'est ce qu'il a de mieux à faire. Cependant, il nous permettra de lui demander s'il entend rester plus longtemps à la tête d'un service qui demande à la fois intelligence, bon sens et finesse. Nous attendons la réponse de monsieur le préfet de police. Alors, dit Suzon, en attaquant une marmelade de prune, votre monsieur Charlet est dans le lac. Pauvre garçon, fit Fouinard, je l'avais pourtant averti. Comment, vous êtes encore mêlé à cette affaire-là? J'en ai honte, Suzon, mais vraiment, je commence à croire que j'ai ça dans le sang. Je n'y aurais pourtant pas songé, si ce brave Charlet ne m'avait pas en quelque sorte de force fourré le nez dedans. Et vous saviez d'avance que M. Charlet allait se blouser? Parbleu, comme il se blousera demain, et encore après. Alors vous savez donc que l'assassin de cette vieille canaille, oh, n'allons pas si vite. Je ne sais rien, rien de rien, et ne peux rien savoir. Avant, il calcula dans sa tête, avant 8 jours au plus tôt. Mais alors, ce sera différent, n'est-ce pas, Justine ? Ajouta-t-il en causant avec sa canne. Vous êtes épatant, dit sérieusement Susan, avec vos petits airs mystérieux et votre Justine, avec qui vous causez tout le temps. Comme si vous ne feriez pas mieux de me raconter à moi vos petites affaires. Minute, dit Fouinard. Justine n'est pas une femme, donc elle n'est pas bavarde et n'ira pas répéter ce que je lui confie. Ah, monsieur Fouinard, c'est pas gentil, ça. Comme si vous n'étiez pas certain que vous pouvez avoir confiance en moi. Mais si, j'ai confiance en vous. Mais Justine, c'est autre chose. Elle va où je la mène, sans une observation. Vous êtes méchant, monsieur Fouinard. Vous n'avez qu'à me dire, faites ça, et je le ferai. Et après tout, je serai peut-être plus maligne que votre sacrée Justine pour remplir la mission que vous me confieriez. Je n'ai ni mes yeux ni ma langue dans ma poche, et si vous avez besoin de moi, faites un signe et j'obéis. Fouinard lui tendit la main par-dessus la table. Vous êtes la meilleure des petites femmes. J'ai bien envie de vous prendre au mot et de vous mettre à l'épreuve. Au fait, je vous en prie, vous me ferez tant de plaisir. Vraiment, je vous le jure. Tenez, je vois bien que cette affaire Templier vous turlupine. Eh bien, si je puis vous rendre quelques services, usez de moi. Je suis plus fine que je n'en ai l'air. Allez. Fouinard la regardait en souriant. En vérité, elle était charmante avec sa mine mutine et ses yeux noirs qui brillaient comme des diamants. « Écoutez, ma petite Susan, dit-il, je vais vous confier une mission grave. » Elle battit des mains. « Oh, comme vous êtes gentille. Surtout que ce soit difficile, petite vaniteuse. Non, non, ce sera très simple. Vous irez à l'agence maritime, 10 places de la Bourse, et par un moyen quelconque, vous vous enquérerez du nom des bateaux qui sont arrivés d'Amérique les 2 et 3 août, et si possible, du nom des passagers. Les bateaux français ou étrangers ? De l'Amérique. Du Nord ? Oui, du Nord. Des États-Unis, si vous aimez mieux. Dame, si vous me rapportez ces renseignements-là, bien exacts, qu'est-ce que vous me donnerez ? Une bonne et solide poignée de main. Ça va. Si vous y ajoutez un petit mot de contentement, je serai trop payé. Maintenant, un mot. Comment faut-il que je me présente ? Quel prétexte ? Eh, mais celui que vous voudrez. C'est là qu'il faut vous ingénier, ma petite. Dites que vous attendez votre amoureux. Oh, monsieur Fouinard, vous savez bien que je n'en ai pas. Eh bien, dites votre frère. Bref, débrouillez-vous. Si vous voulez m'aider, il faut se grouiller un peu. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Je sais bien que je ne suis qu'une petite bête, mais pour vous faire plaisir, eh bien, je me trouverai de la jugeote. Ils se séparèrent après avoir pris rendez-vous. Fouinard resta seul avec Justine. Écoute, ma vieille camarade, lui dit-il à mi-voix. « J'ai bien peur que nous ne nous laissions empoigner tous les deux à jouer au justicier. »« Ça sera bête, mais qu'est-ce que tu veux ? On ne se refait pas. Tu es comme moi, une sottise, une injustice, te mettre sens dessus-dessous. » Par suite d'un faux mouvement, la canne tomba à terre. « Là, tu vois ? » dit Fouinard en la relevant. « Cependant, minute, écoute-moi bien. Il ne faut pas faire d'impair. Si l'imbécile Charlet ne commet pas de nouvelles gaffes, si surtout il ne fourre pas encore une fois dans l'affaire des gens qui n'y sont pour rien, bref, si on n'impute à personne l'assassinat de cette canaille de Templier, Motus, nous ne bougeons pas. Mais si au contraire on embête encore une fois un innocent, tant pis, on marche, c'est entendu ? Bon, t'es une bonne fille de Cannes. »